mis en pause des crimes. On a beau dire que Guata, c'est l'île aux belles eaux. À cette heure-ci, on peut l'appeler l'île qui pète les eaux. Guata, c'est hors piste, trop de tirs, trop de crimes. Guata est hors liste, y'a une baisse de tourisme. Y'a trop de braquages, trop de vols d'engins et d'habits. Y'a des cas qui violent la loi et les filles jusqu'aux habits. Y'a trop de petits qui meurent, c'est presque pire qu'un film. Trop de familles tristes, tu as la mort de leur fils. En ce moment, c'est grave chaud, donc chez moi, j'ai mis la clim. Combien de tirs perdus ont mis en cause des crimes?